La vaccination mettra-t-elle vraiment fin à la pandémie? Appel d'avertissement de Warren Blick. Chers téléspectateurs, il est presque impossible d'échapper à ce qui se passe avec le Covid et aux mesures qui sont imposées. En y faisant face, des questions se posent inévitablement, telles que l'espoir en une vaccination généralisée pourrait-elle s'avérer illusoire? Et si malgré les vaccinations, les mesures restrictives de liberté ne s'arrêtaient pas? Se pourrait-il que le vaccin Covid n'offre aucune protection et qu'il puisse même, à cause de la période d'essai raccourcie, contribuer à la propagation de la pandémie? Se pourrait-il que les débats quotidiens sur les vaccins et la couverture vaccinale entraînent de plus en plus de confusion et qu'en fin de compte, quelle que soit l'issue, ils servent les stratèges du pouvoir de ce monde à imposer leur nouvel ordre mondial à tous les peuples et à toutes les nations? Écoutez l'avis de Madame Elsa Mittmann-Skruber, la rédactrice en chef du magazine autrichien Wochenblick. Frau Elsa Mittmann-Skruber. Sie hoffen, durch die Impfung ist bald alles vorbei. Vous espérez qu'à travers la vaccination, tout sera bientôt terminé? J'ai bien peur de devoir vous décevoir. Ça s'aggrave. La prétendue pandémie est maintenue en vie artificiellement et ne s'installera vraiment que cet automne, hiver, précisément grâce à la vaccination. L'efficacité de toutes les mesures coercitives pour contenir le virus, comme les masques FFP2, les tests, les confinements et même les vaccins Covid, n'a pas été scientifiquement prouvée. Le gouvernement agit de manière arbitraire, sans aucune logique. Les avertissements d'innombrables scientifiques ne sont pas entendus, pas plus que les protestations de la population, parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun intérêt à mettre fin à l'état d'urgence. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner du temps. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, lorsque notre vie quotidienne est dominée par des questions telles que quand puis-je sortir? Combien de personnes puis-je rencontrer? Quel masque dois-je porter? Où dois-je passer un test pour entrer? Cela produit quelque chose. Cela nous rend petits. L'enchevêtrement de règles, de cas, d'incidences et de chiffres est source de confusion et d'accablement. Les mesures toujours plus strictes et le doigt menaçant, même si on a été très sage, conduisent à la résignation et à un sentiment d'impuissance. La distance sociale, le visage de nos semblables rendus absents par leurs masques et le manque de perspective d'avenir nous privent de tout soutien et de toute orientation. L'ensemble de ces facteurs affaiblit et submerge complètement les citoyens. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, car les dirigeants ont besoin de personnes affaiblies et désorientées pour remodeler sans résistance la société, comme il est prévu dans le Great Reset, la grande réinitialisation. L'isolement social, la dignité galvaudée, le sentiment d'impuissance brisent les gens et les rendent facilement malléables. La deuxième raison pour faire durer l'état d'urgence le plus longtemps possible est la suivante. L'homme étant une créature d'habitude, il y a un effet d'accoutumance qui s'installe. Il s'habitue à un régime tyrannique de contrôle qui peut être renforcé à l'avenir. En outre, les tests, les masques et enfin les vaccinations créent des dépendances qui rendent impossible une vie libre et autodéterminée. Ceux qui ne participent pas sont repoussés aux marges de la société, ce qui nous amène donc au point suivant. Les récalcitrants qui ne se soumettent toujours pas doivent être écartés. Ce sont eux qui pourraient être dangereux pour l'avenir prévu selon la grande réinitialisation. Il est important de comprendre que de tous les côtés, c'est une course contre la montre. Rien ne se résoudra tout seul si personne ne s'y oppose. Au contraire, la situation devient de plus en plus confuse. En même temps, les mesures dictatoriales deviennent de plus en plus dures. Nous perdons de plus en plus de libertés qui ne peuvent plus être regagnées si facilement. La résistance devient de plus en plus difficile, comme en témoigne le durcissement des positions à l'encontre des manifestants et la censure toujours plus stricte. Et le pire, c'est que les vaccinations sont en perpétuelle augmentation. Mais pourquoi est-ce si grave? Parce que de plus en plus d'indices montrent que la véritable pandémie est devant nous et qu'elle va venir à travers la vaccination. Il y aura une augmentation très importante des décès parce que le COVID-19 ne peut devenir un danger réel qu'au moyen de la vaccination, et cela pour les vaccinés et les non-vaccinés. Nous avons déjà rapporté les propos de l'immunologiste et biologiste moléculaire irlandaise, le professeur Dr Dolores Cahill. Elle prévient que si la personne vaccinée entre en contact avec des coronavirus naturels, son système immunitaire combattra son propre organisme avec des conséquences mortelles. Et ce qui attend les non-vaccinés est décrit par Geert van den Bosch, fabricant de vaccins, virologue et ancien collaborateur de Bill Gates. Il prédit que la vaccination de masse transformera le coronavirus en réalité inoffensif en un monstre incontrôlable. Il deviendra plus infectieux, plus agressif et rendra malade également les jeunes. Les chiffres d'Israël, le pays où la couverture vaccinale est la plus élevée, sont susceptibles de confirmer ces deux théories. Le nombre de décès est énorme et il semble que le virus ait changé de nature en peu de temps après les vaccinations de masse. Soudain, cela ne touche plus seulement les personnes âgées avec des antécédents médicaux, mais depuis, une augmentation massive des évolutions critiques du COVID-19 est également observée chez les jeunes, même parmi les nouveau-nés. Plus nous vaccinons, plus cela nous arrivera aussi en Allemagne ou en Autriche. So we, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Le prochain virus fera l'objet d'un peu plus d'attention, a prédit Bill Gates l'année dernière, le sourire aux lèvres. On peut supposer qu'il s'agissait précisément de cette évolution due à la vaccination et qu'il tient ainsi une autre promesse, à savoir que chaque personne dans le monde doit être vaccinée contre le COVID-19. Parce que lorsque la véritable pandémie mortelle arrivera, selon toute vraisemblance, la résistance disparaîtra. Par conséquent, les gens qui se font vacciner contre le COVID-19 sans nécessité, mais par pure pression du groupe, par complaisance ou par désir de liberté, ces gens-là ne sont pas des héros. Ils se font seulement avoir par la propagande. Et ne contribuent pas à mettre fin à la pandémie, bien au contraire. Même l'OMS et le Forum économique mondial concèdent que la vaccination n'arrêtera pas la propagation du virus. Il n'est pas non plus possible d'empêcher une infection, mais seulement une aggravation des variants actuellement actifs. Nous ne protégeons donc pas les groupes à risque si nous nous faisons tous vacciner. Alors pourquoi les jeunes, pour lesquels le COVID-19 ne présente absolument aucun risque, devraient-ils se faire vacciner? Et même probablement plusieurs fois par an, car le virus mute et les vaccinations ne peuvent jamais créer une immunité collective naturelle. Sans vaccination, nous aurions la possibilité de développer une immunité collective naturelle contre un virus relativement inoffensif. Mais avec la vaccination, nous entrons dans une spirale sans fin de dépendance aux conséquences dévastatrices pour notre liberté et notre santé. Toujours en Autriche, une majorité de personnes restent sceptiques quant à la vaccination Covid. Mais tout est fait pour changer cela, avec une propagande et une pression psychologique incroyables. Maintenant arrive le passeport vert, le fameux ticket pour la liberté. Je suis curieuse de voir combien de personnes seront incitées à se faire vacciner à cause de cela. Pour ma part, je le dis en tout cas très clairement, je ne me ferai certainement pas vacciner.